je t'ai vu passer, je n'ai pas su quoi faire. C'était inespéré, d'un lundi ordinaire. Alors je t'ai guetté mardi, le cœur plein d'espoir. Et quand tu m'as souri, je n'osais pas y croire. Mercredi, certainement, m'a senti frissonner. À l'instant si troublant de notre premier baiser. De ma vie, je n'ai connu guère de jeudi plus doux. Quand soudain sur la terre, il n'y avait que nous. La vidance, sa ronde la plus joyeuse, comme un bateau qui s'élance pour une croisière merveilleuse. Les étoiles scintillent au firmament, puissent les vents gonfler nos voiles vers des cieux toujours cléments. Dire qu'il aura suffi pour effacer le charme d'un triste vendredi, plein de cris et de larmes. Samedi n'offrait pas d'autre choix que de nous quitter. Dimanche passait par là et m'a fait oublier. Dimanche passait par là et m'a fait oublier.